بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi 30 Jumad al-Oula de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 24 décembre 2022. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture dans les fatawa de Sheikh al-Allama Ahmed bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi les shuyukh de Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Également parmi les chouyours de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah prolonge la vie de nos savants vivants dans son obéissance. Donc mes frères, nous allons continuer, Inch'Allah, à lire ces fatawa et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Si jamais vous avez une question au sujet de ce que nous étudions, n'hésitez pas à l'écrire sur Mixer, car c'est le seul moyen où je peux visualiser ce qui est envoyé pour moi. Sur Telegram, ça sera uniquement pour écouter et suivre avec nous. Donc, pour ceux qui ont le livre, nous allons lire la question numéro 32, dans laquelle Cheikh Rahimahullah est interrogé: ما حكم المشاركة في المراكز الصيفية وقضاء الأوقات فيها؟ وإذا كنتم ترون أن هناك بديلا عنها فما هو وجزاكم الله خيرا؟ Donc, Cheikh est interrogé au sujet des centres de vacances où les gens y vont en été pour passer des vacances. En général, c'est fait pour les jeunes. Ça vise les jeunes, ça existe même en France, au Maroc. Ces centres-là existent un peu partout. Mais en Arabie Saoudite, ils ont une particularité. Peut-être que dans d'autres pays, c'est pareil. Mais ce que je connais avec certitude, c'est ici en Arabie Saoudite. Donc, c'est des centres à la base qui sont faits pour regrouper des jeunes et notamment les jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller passer des vacances avec leur famille. C'est une occasion pour eux pendant l'été de passer 2 semaines ou 1 semaine dans un endroit avec d'autres jeunes, avec une certaine organisation. Avant de commencer, donc il lui dit quel est le jugement de passer, de participer dans ces centres de vacances et de loisirs et d'y passer du temps. Et si vous voyez qu'il y a une autre alternative à ces centres-là, c'est laquelle? Wa jazakumullahu khayra. Donc, je disais avant de lire la réponse de Cheikh, c'est connu qu'en Arabie Saoudite, ceux qui tiennent ces centres-là et qui les gèrent, ce sont les hizbiyin. Car vous imaginez le fait d'avoir énormément de jeunes de plusieurs villes et de les regrouper dans un seul endroit et de pouvoir leur inculquer leurs valeurs. C'est bien évidemment une aubaine pour eux. C'est pour ça, je ne connais pas un centre du style qui est dirigé par des salafiyins. Et ça va vous aider à comprendre ce que Cheikh il dit. Rahimahullah. Donc, il dit, ces centres de vacances, nous ne disons pas que c'est une erreur ou que c'est faux, que c'est caduque. Au contraire, dans les centres, il peut y avoir un bien et dans d'autres, du mal. Tout dépend de ceux qui les supervisent et de ceux qui veillent sur ces centres. Si c'est des gens parmi les gens ayant un bon manhaj et une méthodologie correcte et une aqida salafia authentique, alors il n'y a pas de mal à participer dans ces centres. Au contraire, ça peut être recommandé, car il y a du bien dans ces centres-là. Donc, profitez de la présence de tous ces jeunes pour leur enseigner le tawhid, leur enseigner l'aqida, leur enseigner le manhaj salafi, les mettre en contact avec les savants de Al-Sunna al-Jama'a. Ça, c'est une excellente chose. C'est pour ça peut être recommandé, non seulement autorisé. Et si ces centres sont supervisés par des gens de l'innovation, par des hizbis, des gens ayant des méthodologies égarées, alors il n'est pas permis à ce moment-là d'y participer, car il y a un mal dedans. Et celui qui participe dans ça, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et revenir de cette erreur. Et Cheikh a cité une de leurs grandes erreurs. Bien évidemment, ils éduquent les jeunes à la façon de l'hizbiyyin, d'une manière subtile, à s'insurger contre le gouverneur, dont des fois ça peut être des takfiriyyin, à faire des attentats criminels, et ainsi de suite. Cheikh, il a cité parmi leurs erreurs, dans certains centres, yani, tous c'est des hizbiyyin, mais à quoi ils appellent? Chacun, il appelle à la chose. Faut savoir que chaque hizbi, il a des valeurs sur lesquelles il fait l'alliance et le désaveu. Par exemple, tu prends, et sur quoi Al-Sunna al-Jama'a font l'alliance et le désaveu? C'est sur la parole La ilaha illallah. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wa salam, sur Tawhid. Si tu prends l'Ikhwan, tu vas trouver que l'alliance et le désaveu chez eux, il est fait sur le parti politique. L'alliance est entre les membres qui adhèrent à ce parti. Tu prends Tablir, l'alliance et le désaveu, c'est sur le khourouj. C'est pour ça, tu peux être un talib ilm, tu peux avoir la science, tu peux faire qiyam al-layl, jeûner le lundi, le jeudi, tu peux faire tout ce que tu veux comme bien. Tu n'arrives pas à un degré chez eux jusqu'à sortir de la voie d'Allah avec eux, en leur compagnie, à aller se balader dans les pays, délaisser leur famille, sous prétexte de faire da'wah soi-disant. Qu'est-ce qu'un ignorant, il va faire da'wah? Un ignorant, s'il veut faire un vrai voyage qui le rapproche d'Allah, c'est un voyage pour aller demander la science. Et le voyage pour aller demander la science, c'est chez les hommes de science. Parce que certains d'entre eux, quand tu lui dis ça, il dit, moi, je sors pour apprendre aussi. Tu sors pour apprendre de qui? Mais ça, c'est uniquement des ruses. Et pour détourner le sujet. Mais en réalité, ils ne sortent pas pour apprendre, ils sortent pour propager. Et celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. Faqidu shay'i la yu'tih. Et ainsi de suite. Chaque secte égarée, tu vas trouver qu'ils ont des valeurs qui remplacent la ilaha illallah chez Al-Sunna wal-Jama'a, dans l'alliance et le désaveu. Ça ne veut pas dire que c'est des mouchrikines. Lakin, Al-Sunna wal-Jama'a, leur alliance et leur désaveu, c'est sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wa salam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et si tu veux une définition simple de l'hizbiyya, hizbiyya, c'est faire une alliance et un désaveu sur une chose qui n'est pas légiférée. Donc, parmi leurs égarements que Cheikh a mentionné dans cette fatwa, c'est le fait d'appeler à la liberté du culte. Et que les juifs et les chrétiens et les musulmans sont tous des frères avec des religions authentiques. Et qu'ils appellent à l'unicité entre les religions monothéistes, soi-disant monothéistes. S'ils étaient monothéistes, ils seraient dans l'islam. Et Cheikh a montré la gravité de ce prêche, le prêche, yani à travers lequel on appelle à s'unir avec les autres religions, indépendamment de la vérité. Comment celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et que Isa est le serviteur et le messager d'Allah, comment celui-là il peut s'allier à un chrétien qui dit que Isa c'est lui Allah, ou c'est le fils de Allah, ou qui croit en la Trinité? Comment ça peut être ton frère? Wallah al-musta'an. Et comment il peut être le frère de quelqu'un qui dit, un juif qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager des Arabes seulement. Il a été envoyé aux Arabes. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son noble prophète dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Il lui dit, dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous, pour les hommes et pour les djinns. Comment il peut y avoir une union sur autre que la vérité? Allah Azzawajal dit, Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. La seule religion est pour Allah, la seule religion est l'islam. L'islam qui est la soumission à Allah avec l'unicité. Et l'obéissance et le désaveu de l'associationnisme et des associâtres. C'est ça l'islam. C'est pour ça qu'il ne faut pas traduire musulman par musulman. Musulman soumis à Allah. Allah Azzawajal dit aussi, « Wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu. » Quiconque cherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et ça, à toute époque. Si on prend l'islam dans son sens général, car l'islam, il a deux sens. Un sens général, c'est la religion de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a un sens particulier, c'est la législation qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car chaque prophète, chaque messager avait sa législation. Mais sinon, leur religion, elle est la même. De vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment quelqu'un avec ses valeurs, il peut être sa main dans la main de quelqu'un qui dit Isa, c'est le fils de Allah, ta'ala Allah amma yaqulun, gloire et pureté à Allah de ce qu'ils disent. Allah Azza wa Jalla dit aussi قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son noble prophète de dire aux gens du livre, venez qu'on adopte cette parole qui nous est commune à nous tous, à tous les gens qui ont reçu une révélation, les gens du livre. Cette parole qui est de vouer un culte exclusif à Allah, d'adorer Allah seul et de ne point lui donner d'associé. Et que les uns parmi nous ne prennent pas les autres comme des seigneurs en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Soyez témoins que nous sommes musulmans, soumis à Allah. La question suivante. بعض الناس يقولون عليك أن تأخذ الخير سواء كان من كتاب أو من شريط وعليك أن تترك الشر والخطأ الذي فيها فهل هذا الكلام صحيح ومتى نعمل بمبدأ الموازنة بين الحسنات والسيئات أم أنه مبدأ خاطئ وضحوا لنا ذلك بما ترونه مناسبا وجزاكم الله خيرا. Ça, c'est une question extrêmement importante qui est ignorée ou au moins qui n'est pas respectée par beaucoup de personnes qui se disent suivre le manhaj salafi. Donc, la question qui est posée au noble cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, certains disent, on prend le bien, que ce soit d'un livre, d'une cassette ou d'un audio, aujourd'hui nous disons de YouTube ou des autres réseaux sociaux que je ne connais pas. Est-ce qu'on prend le bien et on délaisse le mal et les erreurs que contient ces choses-là? Est-ce que ça, c'est une parole juste de dire que moi, je prends le bien et je délaisse le mal et l'erreur? Je prends ce qui est juste et ce qui est bien et je délaisse ce qui est un mal et ce qui est une erreur. Masha'Allah. Cheikh l'Islam ben Taymiyyah. Et ensuite, il lui a dit, quand est-ce qu'on pratique le principe de l'muazana? Ça, on l'a vu précédemment. L'muazana. L'muazana, c'est un certain équilibre entre les bonnes actions d'une personne et ses mauvaises actions. Ou c'est un principe erroné. Clarifiez-nous la vérité. Wa jazakumullahu khayra. Cheikh, il répond à la première partie, le premier paragraphe, il dit « La shakka anna al-khayra yuhrasu alayh ». Il a dit « Il n'y a pas de doute qu'on doit être attaché au bien. » Yani par rapport à la question « Est-ce qu'on prend le bien et on délaisse le mal ?» Il a dit « Sans aucun doute, on doit être attaché au bien. Mais si on te met du poison dans du miel, est-ce que tu vas prendre ce miel et le boire et dire que le miel est une très très bonne chose malgré qu'il contient du poison? La réponse, non. Car ce miel qui est un grand bien a été mélangé avec une chose qui peut être la cause de ta perdition et de ta mort. C'est comme ça qu'agissent les gens doués de bon sens. Donc, chéri poursuit, celui qui te dit ce principe de prendre le bien et de délaisser ce qui n'est pas bien, Celui qui t'appelle à suivre cela, cela implique que tu fasses, que tu saches faire la différence entre le bien et le mal, afin d'éviter le mal. À ce moment-là, il n'y a pas de mal. Ou quelqu'un qui écoute ces audios afin de réfuter ce qui est un égarement. Afin de réfuter ce qui est un égarement. Imaginons un égaré a fait un cours et on doit le réfuter. Bah, celui qui le réfute, forcément, il va écouter son cours pour réfuter avec des preuves. Et c'est comme ça que font Al-Sunna Al-Jama'a. Il réfute avec des preuves. Il n'attribue à une personne que ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a écrit. Ou ce qui a été transmis selon les voies acceptées chez Al-Sunna Wal-Jama'a. Notamment, Khabar Al-Thiqa. Et bien évidemment, c'est pas toute personne qui va réfuter. Malgré qu'on est à une époque, on voit que toute personne qui a étudié 1 an, 2 ans, elle commence à faire des réfutations. Et c'est rare de voir une personne comme ça qui se lance dans le domaine de la réfutation sans avoir les armes. C'est rare de voir une personne comme ça qui ne dévie pas. Et quand bien personnellement j'en ai vu, ne demandant à Allah de nous raffermir sur la vérité. Et ça fait partie de l'adab, de savoir ce que tu vaux et de quoi tu es capable, et de réaliser ton niveau et ta place, et de ne pas la dépasser. La réfutation est une excellente chose. La réfutation fait partie des moyens de préserver cette religion, la réfutation du mal et la clarification des ambiguïtés. Ça fait partie de ce qui préserve l'islam dans son authenticité, dans sa beauté. Mais c'est pas la porte ouverte à tout le monde. C'est pas parce que tu as une bonne intention, tu veux protéger l'islam, tu veux réfuter les égarements. Ça suffit pas. Si tu es sincère, alors apprends. Apprends et demande la science jusqu'à arriver à un niveau où tu es capable de le faire et fais-le à ce moment-là. Mais ça peut être une ruse de shaitan pour t'égarer. Car quand tu réfutes, tu dois réfuter pour faire triompher la religion d'Allah et pour protéger la religion d'Allah de tout ce qui peut la nuire, notamment les innovations et les égarements. La bonne intention est une condition, mais elle n'est pas suffisante. Faut avoir les outils. Faut avoir les armes. Et subhanallah, les gens, toutes ces règles, ils les appliquent à la perfection dans le dunya. Mais quand ils viennent dans la religion, il suffit d'être un musulman pour réfuter. Donc celui qui te dit prends le bien et délaisse ce qui n'est pas bien, ça nécessite que tu sois à un niveau dans la science où tu es capable de distinguer le bien du mal. Et ça demande un niveau élevé dans l'ilm. C'est pas à la portée des débutants dans la science, dans l'apprentissage. Alors que dire de l'awam, des gens de la masse qui n'étudient pas? Ou le deuxième cas que Cheikh a cité, l'homme de science qui réfute quelqu'un et qui écoute son cours pour montrer ses erreurs. Mais par contre, celui qui dit aux gens, moi je prends le bien qu'il y a dans ses cours. Et alors que quand tu regardes, il ne sait pas distinguer le bien du mal. Il ne sait pas distinguer la sunna de l'innovation. Il n'y a pas de doute que celui-là, et la cause de son malheur et de sa perdition. Il suffit de lui embellir les propos pour qu'il voie que c'est une vérité. Et les gens comme ça, tu lui viens avec un argumentaire, il dit c'est ça la vie juste. Un deuxième argumentaire, il dit non, c'est ça la vie juste. Donc ça, c'est par rapport au premier paragraphe qu'on peut résumer que ça, c'est faux, ya ikhwa. Il n'y a pas je prends la vérité et je délaisse les erreurs. Il y a tu prends la vérité des gens de la vérité. Seulement. Et tu te limites à ça. Ce qu'il y a chez Al-Sunnah, ça te suffit. Est-ce que tu veux devenir plus savant que les savants de notre époque, les savants salafis? Tu veux devenir plus grand dans la science que Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Al-Haydan? Tu veux devenir plus grand que tous ces savants? Est-ce qu'il y a quelque chose chez cet égaré que tu trouves pas chez ces savants-là? S'il y a quelque chose que tu trouves chez lui qu'il n'y a pas, c'est peu probable que ce soit un bien. Donc, ça nous suffit ce qu'il y a chez Al-Sunnah wal-Jama'a. Et c'est ça la méthodologie de Al-Sunnah. Ils prennent la vérité des gens de la vérité. Ils demandent la vérité des gens de la vérité. Il ne t'est pas demandé de connaître le statut de tous les prêcheurs et de tous les du'ats et tout. Lakin, avant de prendre la science d'une personne, renseigne-toi. Quelle est sa aqida? Quel est son manhaj? Et ne te contente pas que ce soit quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui est éloquent, ou dans certains cas, il y a d'autres paramètres. Les paramètres, ils peuvent varier d'une personne à une autre, d'un homme à une femme. Lakin, les vrais paramètres de ceux de qui on prend la science, c'est qu'ils fassent partie de Al-Sunnah wal-Jama'a. Et c'est pas ça qui va, c'est pas toi qui va donner ce jugement. Comme tu peux entendre de certains de nos frères, qu'Allah leur pardonne. Oui, je l'ai écouté et je n'ai rien vu de mal dans ce qu'il dit. Mashallah. Ça, c'est semblable à celui qui dit je prends le bien et je délaisse le mal. Si tu es arrivé à un niveau de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, non, tu peux faire ça. Mais si on suppose que tu es arrivé à ce niveau-là, tu n'auras pas besoin de cette personne. Tu vas aller directement vers les sources, vers le livre d'Allah et vers la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Tu vas aller vers les imams, vers l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et les grands savants. Un débutant ou un ignorant, il dit, moi, je prends le bien, ou là, j'écoute et je vérifie. Ça, c'est des ruses de shaitan. Allah Azza wa Jalla, quand il a décrit le munafiqin dans le Coran, il a dit, wa iyaqulu tasma' li qawlihim. Ils ont une éloquence. Sinon, comment ils vont faire tomber les gens dans leur piège? Ils ont des choses qui attire les gens. Il parle gentiment, même si lui, c'est quelqu'un d'agressif. Tu l'entends parler, c'est la personne la plus polie sur terre, la plus gentille. Là, pour voir son vrai visage, il faut le contrarier. Il faut montrer ses erreurs. Et là, tu vas voir le vrai visage. Comme Tablir. Sans gentil, pas salam, t'offre un thé. Lakin, dis-lui que ce que tu fais, c'est une innovation et tu vas voir son vrai visage. S'il va pas te balancer avec des mensonges, comme certains d'entre eux font, il va te dénoncer à la police comme quoi tu es un terroriste et prêt à faire des attentats alors que c'est des mensonges. Et ils ont fait ça avec certains de nos frères. En tout cas, Ahl-Sunna prennent la vérité des gens de la vérité seulement. Et ne t'amuse pas à aller écouter tout et n'importe quoi, surtout maintenant avec la facilité de ces réseaux sociaux. Prends la vérité des gens de la vérité seulement. Par rapport au deuxième paragraphe, Cheikh, il dit, quand est-ce qu'on met en pratique Al-Muazanat, il a dit, Al-Muazana n'est pas légiféré, la Muazana, ni entre Al-Hasanat et Al-Sayyi'at, entre les bonnes actions et les mauvaises actions d'une personne. Vous savez que la personne a fait une erreur. Mais cette personne a forcément des qualités du moment que c'est un musulman, c'est un mouahid, il a écrit des livres, il a fait des centaines de cours, peut-être qu'il a défendu la sunna dans certains points, et ainsi de suite. Cheikh, il dit que ce n'est pas légiféré de faire le muazana quand on réfute, quand on critique une personne. Comme le prophète a dit au sujet de Muawiya, radiyallahu il a dit, Amma Muawiyatu, fasu'lukun la mala lah. Quand Fatima, radiyallahu anha, est venue demander conseil au prophète a au sujet de deux hommes qui se sont présentés et qui voulaient l'épouser, le premier c'est Muawiya, le grand compagnon, et le deuxième c'est Abul Jahm, aussi un compagnon, un grand compagnon, radiyallahu anhuma. Mais là, Fatima radiallahu anha, elle cherche pas à savoir leurs qualités. Car ça, c'est connu de tout le monde, c'est des compagnons. Lakin, est-ce qu'ils vont être des bons maris pour elle? C'est ça qui l'intéresse. Et le Nabi sallam, sa réponse était limitée à ce point-là. Il n'a pas dit Muawiya, il est à mes côtés depuis des années, il écrit la révélation et il a fait le djihad. Non, il n'a rien dit de tout ça. Il a dit Muawiya, su'lukun la malala. Muawiya est pauvre, il n'a pas d'argent. Il a dit, par rapport à Muawiya radiallahu anhu, il a dit su'lukun la malala. Ça veut dire que c'est un pauvre. Un pauvre, dans ce sens-là, qui n'a pas les moyens. Et une femme, quand elle se marie avec un homme qui n'a pas les moyens, elle peut être amenée à patienter encore plus. Il y a des femmes, le mode de vie qu'elle a eu avec ses parents, ou là, selon la noblesse de sa famille, elle peut pas supporter ça. Elle peut pas supporter ça. C'est pour ça que Nabi sallam lui a cité ce point en particulier chez Muawiya. Et Abul Jahm, radiyallahu anhu, il lui a cité un côté négatif chez lui qui peut, la rendre malheureuse si jamais elle se marie avec lui. Il a dit, farajulun darrabun linisa. Il frappe. Les femmes. Et il lui a recommandé d'épouser Usama. Usama ibn Zayd, radiallahu anhu. Et elle était épanouie avec Usama ibn Zayd. Malgré qu'il n'a pas la noblesse de Muawiya. Muawiya, c'est le fils de Abu Sufyan ibn Harb, un maître de Quraysh. Et le fils de Hind, parmi les plus nobles femmes de Quraysh. Et Abul Jahm, c'est aussi un grand compagnon et il lui a recommandé d'épouser Oussama ibn Zayd, qui avait une laideur dans son visage. Il avait une laideur, radiyallahu anhu, et il était noir. Il était noir. Et au début, elle a hésité. Et elle a suivi le conseil du prophète, malgré que ce n'était pas une obligation pour elle, mais c'était un conseil. Mais quand elle a réfléchi, elle a su que le choix du prophète est meilleur pour elle que son propre choix pour elle-même. Et il y a en cela une grande leçon pour nous. C'est de réaliser que dans toute chose, quand tu sais qu'Allah veut de toi cette chose-là, alors sache que c'est ton bien. Et ne laisse pas Shaitan te faire croire que ton bien se trouve ailleurs. Ton bien, c'est dans la conformité aux ordres d'Allah. Tu vas perdre ton poste, tu vas ça, tu vas ça. Non, yar. Wallahi, ton bien, c'est dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Ton bien, c'est dans le suivi du prophète, alayhi salatu wa salam, même dans ce qui est recommandé, comme ici. C'est un choix de dunya. Elle n'est pas du tout dans l'obligation d'accepter le conseil du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pas une affaire religieuse, c'est un mariage. Et dans le mariage, bien évidemment, le consentement de l'épouse est une condition. Elle épouse un mari qui lui plaît, qui n'y avait pas ça, et elle a suivi le conseil du prophète, alayhi salatu wa salam, et elle était jalousie par ses voisines. Elle était jalousée par ses voisines, radiyallahu anha. Alors que dire de suivre le prophète, alayhi salam, dans les obligations, dans ce qui est légiféré, dans la sunna? Bien évidemment, c'est encore plus important. Donc, le Nabi, alayhi salam, cher, il dit, il n'a pas cité leurs qualités. C'est pour ça que Al-Muazanat est une chose qui n'est pas légiférée. C'est quelque chose d'innové. Wallahu a'lam. Trente-sept minutes. Taïb, on va lire une troisième question, inshallah. العالم بأهل البدع يمكن أن يحذر منهم، لكن هناك من يندس من أهل البدع مع أهل الحديث حتى يغر عامة الناس، فكيف المخرج من هذا أو من مثل هذا؟ Le savant salafi met en garde contre les gens de l'innovation. Mais certains, parmi les gens de l'innovation, ils peuvent se faufiler dans les rangs de Al-Sunna, de Al-Hadith, les gens du Hadith, afin de leurrer les gens de la masse. Ils lui demandent la solution à cette problématique. La réponse, Al-Haqiqatu, anna al-nas yakhtalifuna wa la shak. Walakin ghaliban anna kull man asarra sariratan لا بد أن يظهرها الله تعالى على لمحات وجهه وعلى فلتات لسانه. Les gens peuvent varier, mais en général, celui qui cache une chose, forcément, elle va apparaître sur lui, que ce soit sur son visage ou dans ses propos. Celui qui montre aux gens qu'il est sur la sunna et sur la salafia, alors que c'est un innovateur, forcément, il sera dévoilé un jour ou un autre. Forcément, il sortira de lui des choses qui indiquent ce qu'il cache comme innovation. Et quand on verra de lui ces choses-là, à ce moment-là, on mettra en garde contre lui. Question suivante. بعض طلبة العلم الصغار أشغلوا أنفسهم بالكلام عن الحزبيين وجعلوا ذلك في جل أوقاتهم وضيعوا طلب العلم الذي ينفعهم عند ربهم والذي يبين لهم الخبيث من الطيب حتى يعرفوا ما عند الحزبيين من أخطاء بل ما أصبح همهم إلا ما رأيك في فلان وما رأيك في فلان وأصبحت غالب جلساتهم في هذا الشأن حتى إنهم يتهمون الناس جزافا فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب وحثهم على الاهتمام بالعلم الشرعي الذي يحصنهم من البدع. Donc cette question à la borde un autre côté qu'on puisse trouver chez certains salafis pour voir que Al-Sunnah ils sont juste avec tout le monde même avec les gens de Al-Sunnah wal Jama'a. On a vu précédemment l'importance de Rodoud, l'importance de connaître les égarés et l'importance de prendre la science de Al-Sunnah. Mais on peut trouver parmi les débutants en science, parmi les salafiyins débutants en science, on peut trouver quelques-uns qui exagèrent dans ce sens-là, de sorte que la plupart de leurs assises sont autour de l'hizbiyin, un tel c'est qui, un tel est-ce que c'est un hizbi, est-ce que c'est un salafi, il n'a d'occupation que celle-là. Et qui perdent leur temps dans ces choses-là. Tout en négligeant la demande de science, tout en négligeant la demande de science qui leur sera profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec laquelle ils pourront distinguer le mal du bien et ils sauront qui sont l'Ahl-Sunna et l'Hizbiyin. Au point où c'est devenu leur unique souci, qu'est-ce que tu penses d'un tel, qu'est-ce que tu penses d'un tel. La plupart de leurs assises sont autour de ce sujet-là. Au point, il continue à dire, celui qui pose la question, au point qu'ils arrivent à accuser les gens à tort. Comme ça, yani. Un tel, il le taxe de bid'a, il le taxe de hizbiya, comme ça. Quel est votre conseil pour ces jeunes? Et il lui a demandé de les inciter à demander la science religieuse qui sera pour eux une protection contre les innovations. Cheikh, il dit, Al-haqiqatu anna al-mubalaghata fi hadhihi al-umur allati takhruj bi talib al-ilm an nitaq al-haqq ila al-jadal. Il dit en vérité, l'exagération dans ces affaires qui font sortir le demandeur de science de la vérité vers les polémiques et les querelles, وَتَضِيعِ الْوَقْتِ فِي الْكَلَامِ الَّذِي لَا يَنْتُجُ عَنْهُ فَائِدَةً, et aussi la perte du temps dans des discussions inutiles pour le demandeur de science. Inutile pour lui. بل يكون الإنسان يدور في حلقة مفرغة, au point où la personne, comme si elle tourne en rond. Il a dit ça, c'est quelque chose qui ne convient pas. فهذا لا ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يستغل وقته في طاعة الله. Ce qui est demandé pour طالب العلم, c'est d'exploiter son temps dans l'obéissance, dans l'adoration d'Allah. Exploite ton temps dans la lecture du Coran, dans la mémorisation du Coran. Pourquoi ces choses sont très difficiles pour toi et tu trouves beaucoup de facilité à parler pendant des heures et des heures de ce genre de sujet sans qu'il y ait un intérêt. Je vais revenir là-dessus. Lakin, on doit tous se poser cette question. Pourquoi je peux être dans des assises pendant des heures et des heures à parler de un tel et de un tel et de un tel, mais quand je suis seul avec mon créateur, je n'arrive pas à lire le Coran. Encore moins à lire tafsir. à suivre une série de cours du début jusqu'à la fin. Pourquoi je commence toujours les séries de cours et j'arrête? Là, tu dois te poser ces questions-là et voir est-ce que vraiment tu es sincère, est-ce qu'il y a un problème quelque part? Certainement, il y a un problème quelque part. Et le croyant est son propre médecin. Il y a quelque chose à soigner. Donc, le demandeur de science, il doit exploiter son temps et yani que ce soit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi dans la demande de science et d'assister au cercle de science. Il n'y a pas de mal à ce moment-là pour quelqu'un qui est dans la demande de science à écouter les mises en garde afin de savoir ce contre qui on a mis en garde et pour quelle raison. Et si jamais on lui demande, il met en garde à son tour, comme les savants ont mis en garde. C'est pas lui qui va inventer la mise en garde. Lakin, il indique aux gens la mise en garde des savants. Par contre, que tout notre temps soit dans ces paroles et qu'on néglige la demande de science, ça, sans aucun doute, il dit Cheikh, فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ خَطَأٌ كَبِيرٌ وَخَطَأٌ عَظِيمٌ. Ça, il n'y a aucun doute que c'est une erreur gravissime. C'est une grande erreur. Donc, pour résumer, les réfutations et les critiques, comme ils disent, c'est comme le sel pour la nourriture. Et ça dépend de ton niveau dans la science. Un débutant dans la science, il n'a pas besoin de connaître la liste. D'ailleurs, il n'y a pas de liste. Ça, c'est des innovations que les savants n'ont jamais fait. Une liste de ceux de qui on prend la science. Une liste de ceux. C'est quoi ça? Ça vient de qui, Had? Est-ce que ça vient de l'ulama? Non. Le débutant en science, quand il veut prendre la science d'une personne, il doit se renseigner au sujet de cette personne. Et s'il me demande, je lui donne les paroles des savants. Et c'est pas à moi de me prononcer. Alhamdulillah, les savants sont encore vivants, ils sont encore accessibles. Et pour celui pour qui ceci n'est pas possible, alors il peut avoir recours à des étudiants en sciences qui vont consulter les savants pour lui. Donc ça, c'est une science importante, mais c'est pas toute la science. Tu n'apprends pas Tawhid. Tu ne connais rien de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Par contre, yani, ton sujet favori, c'est ce sujet-là. Chaque assise, tu parles de ça. Pourquoi moi je vais parler à quelqu'un de Al-Mahrawi ou de Ali Hassan? Pourquoi je vais parler de ces gens-là? Si c'est un salafi qui est avec l'ulama, si on se retrouve, c'est pas pour parler de ces gens-là. On connaît leur statut, on connaît leurs erreurs, alhamdoulilah, et on remercie Allah qui nous a préservés de tomber dans les mêmes choses que eux, et on le remercie pour la guider vers la sunna. Mais quand je me retrouve avec mon frère, je vais exploiter mon temps pour apprendre des choses qui nous rapprochent d'Allah. Ce qu'on connaît déjà, pourquoi on va le répéter? Lakin, si je suis dans une assise où il y a quelqu'un qui est leurré par quelqu'un contre lequel il y a une mise en garde, alors là, je vais utiliser la sagesse et choisir le bon moment et savoir comment exposer la chose pour aider cette personne à accepter. Car si toi tu vois par exemple Qardawi comme un grand égaré, lui peut-être pour lui c'est un grand savant. Et pour lui, toi tu es un inconnu. Tu as demandé la science 5 ans ou la 3 ans ou la 4 ans. Qardawi, depuis tout jeune, il est dans la science. C'est comme ça qu'il voit. Donc n'y a pas de mal à ce que je commence à lui enseigner la sunna d'abord. À lui enseigner la sunna, les fondements de la sunna, pour qu'il sache qui sont al-sunna wal-jama'a. Et ensuite le mettre en garde. Car si je le mets en garde directement, si c'est quelqu'un qui est attaché à s'être égaré, il y a de fortes probabilités qu'il n'accepte pas de moi. Il va s'éloigner de moi et ça ne va faire que confirmer ce qu'ils lui ont dit à mon sujet. Oui, c'est salafiyin, ils ne connaissent que les mises en garde. Dès que tu le vois, mise en garde, mise en garde. Et ce conseil nous a été donné par Cheikh Al-Allama Ubayd Al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et dans d'autres cas, je peux mettre en garde directement. Donc, il y a besoin de science pour savoir quand est-ce que je mets en garde directement, quand est-ce que je commence à lui enseigner les fondements de la sunna pour le sortir de ce ta'assob, de ce fanatisme qu'il a pour les égarer et pour l'aider à accepter la vérité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et de nous raffermir sur Tawhid et sur Sunna jusqu'à le rencontrer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته